à 9, c'est ok, tu es hit. Après quoi, tu es KO, tu es out. C'est idem pour la boxe, le ciné, la mode et le cashbox. Ensuite, moitié gin, Gemini, carbure pas au mazout. C'est extrêmement pop. Si t'es à jeun, tu tombes en syncope. Tu aimes la nitroglycérine? C'est Opus, Palladium, ça s'écoute. Rue Fontaine, il y a foule pour les petits gars de Liverpool. Barbarelle, la garde tes bottines et viens me dire une fois pour toutes que tu m'aimes. Ou sinon, je te renvoie à ta science-fiction.